l'ombre de ta vie. Tes mains tremblantes sur mon corps, composant une symphonie. Et tous ces jours qui te ressemblent, soumis dans l'amour. Amen.